oh oh oh oh. J'voulais pas d'ennui, mais sur le terrain faut se faire respecter. Mon cœur a refroidi, tout ce que j'ai fait, j'peux plus regretter. Elle voulait là, non, ça va trop vite, faut pas me presser. Si t'es là pour moi, même quand c'est chaud, bébé, faut rester. Ah, bébé, avant j'étais endetté. Aujourd'hui j'peux tout payer, et pour toi je vais tout payer. Ah, bébé, avant j'étais endetté. Aujourd'hui j'peux tout payer, et pour toi je vais tout payer. Je ramène chez moi pas hôtel. Si t'as besoin t'as mon numéro. Croyez déjà grand plus le prélo. Suis-moi je t'emmènerai tout en haut. Faut même pas paniquer. J'ai tout organisé. Le plan est planifié. Bébé on est prêt. Sans moi comment faire? Elle peut pas faire sans moi comment faire? Pourquoi t'écoutes tous ces commentaires? Fais tes valises on bouge on prend l'air. J'm'occupe de tes ennemis tu connais. Mes promesses j'vais tenir j'te promets. Elle peut pas faire sans moi comment faire? Elle peut pas faire sans moi, comment faire? J'voulais pas d'ennui, mais sur le terrain, faut se faire respecter. Mon cœur a refroidi, tout ce que j'ai fait, j'peux plus regretter. Elle voulait là, non, ça va trop vite, faut pas me presser. Si t'es là pour moi, même quand c'est chaud, bébé, faut rester. Ah, bébé, avant j'étais endetté. Aujourd'hui, j'peux tout payer, et pour toi, je vais tout payer. J't'emmènerai danser. Ouais, garde ce que t'as gagné. Compte sur moi pour t'épauler. Si j'dois me faire pardonner. Dans ton resto préféré, tes blessures faut me raconter. Je vais te soulager. Sans moi, comment faire? Elle peut pas faire sans moi, comment faire? Pourquoi t'écoutes tous ces commentaires? Fais tes valises, on bouge, on prend l'air. J'm'occupe de tes ennemis, tu connais. Mes promesses, j'vais tenir, j'te promets. Elle peut pas faire sans moi, comment faire? Elle peut pas faire sans moi, comment faire? J'voulais pas d'ennui, mais sur le terrain, faut se faire respecter. Mon cœur a refroidi, tout ce que j'ai fait, j'peux plus.